Le collier de la princesse Woudzmiev par Alexandre Dumas. Au bout de 3 jours, à mon grand regret, je quittai Derbend. Ce regret s'étendait d'abord à la ville qui, comme caractère et comme pittoresque, n'a pas sa pareille au monde, et ensuite au prince Bagration, charmant et brave compagnon, forcé de nous quitter pour reprendre son commandement. Je ne reverrai probablement jamais Derbend, mais, par malheur, plus sûrement encore jamais je ne reverrai Bagration. Un an après mon départ du Caucase, avec sa témérité ordinaire, il s'engagea avec 4 hommes seulement dans un passage dangereux attaqué par 20 lesguins. Il en avait déjà mis 5 hors de combat lorsqu'une balle lui traversa la poitrine. Un de ses hommes, qui parvint à s'échapper, raconta l'événement. On envoya sur le lieu du combat un détachement de 25 hommes. Ils retrouvèrent 4 cadavres sans main droite. Les lesguiens coupent la main droite et non la tête, et au nombre de ces 4 cadavres était celui du prince Bagration. J'ai vu à Choumaka un pauvre diable de maître d'école auquel manquaient les 2 mains. Blessé dans une descente de lesguiens, il avait fait le mort, sachant qu'il y perdrait la main, mais espérant sauver sa vie. Et en effet, un lesguien lui coupa la main, mais se trompa, car il coupa la main gauche au lieu de la main droite. Il n'avait pas fait 10 pas, qu'il s'aperçut de son erreur, revint sur ses pas, et cette fois lui coupa la main droite. Le pauvre diable eut la force de subir cette double torture sans pousser un soupir. Il sauva sa vie, comme il l'espérait, mais perdit les 2 mains. Les lesguiens clouent ses mains sur leurs portes, d'autres plus pieux, en manière d'ex-voto, dans leurs églises. J'ai vu dans l'album du prince Mielikov un dessin représentant une porte lesguienne avec sa décoration de mains coupées. Les mains étaient clouées comme sont clouées aux portes de nos fermes les pattes de loup. Avant de les clouer, les lesguiens font subir à ses mains une préparation chimique dans laquelle entre du goudron. Grâce à cette préparation, les mains se conservent longtemps fraîches et comme vivantes. Je comptais les mains clouées sur cette porte, il y en avait 15. Et ce qu'il y a de bizarre, c'est que les Touchines, qui forment une peuplade chrétienne restée dans les montagnes du Caucase depuis la prise de Constantinople par Baudouin de Flandre, et qui porte encore la longue robe maillée de fer et le sabre droit des croisés, pratique, tout au service de la Russie qu'il soit, cette ablation des mains avec la même rage que les lesguiens. On raconte de quelques-uns d'entre eux des faits d'une incroyable cruauté. Un des plus renommés coupeurs de mains se nomme Shaitan Diable. Un jeune Touchine aimait une fille du village de Tiarmet. Il la demande en mariage. « Combien de mains lesguiennes as-tu clouées à la porte ?» répond celle-ci. Le jeune homme se retire à la tête basse. Il n'avait pas encore combattu. Il va trouver Shaitan et lui conte son malheur. « Retourne près de ta maîtresse et demande-lui combien elle veut demain. »« 3 au moins, » répond la jeune fille. « Elle en veut 3, » dit le Touchine à Shaitan. « Eh bien, viens avec moi dans la première expédition que je ferai. » Le jeune homme secoua la tête. « Et quand feras-tu ta première expédition ?»« Dans 15 jours. »« Ce sera bien long, » dit le Touchine en poussant un soupir. « Eh bien, alors partons. » répond Shaitan, je suis toujours prêt. Et ils partent. Au bout de 8 jours, ils reviennent avec 12 mains. Shaitan en avait coupé 7, l'amoureux 5. Il porte ses 5 mains à la jeune fille qui consent aussitôt à l'épouser. La noce se fit en grande pompe et en grand triomphe. Le Touchine avait apporté 2 mains de plus qu'on ne lui avait demandé. Mais écoutez bien ceci. Au nombre des 7 mains de Shaitan était une main d'enfant. Shaitan est le croque-mitaine des lesguiens. Quand un enfant pleure, sa mère lui dit « Prends garde, je vais appeler Shaitan. » Un enfant lesguien pleurait. « Je vais appeler Shaitan, » lui dit la mère. L'enfant, soit qu'il ne crut pas à Shaitan, soit qu'il s'entêta purement et simplement dans ses larmes, continua de pleurer. La mère ouvre la fenêtre, il faisait nuit sombre, les ténèbres ne font qu'augmenter les cris de l'enfant. La mère le prend, le passe à moitié par la fenêtre et crie « Shaitan, Shaitan, viens prendre ce mauvais enfant, viens !» À peine avait-elle prononcé ces paroles que l'enfant pousse un cri, mais plus un cri de colère, un cri de douleur. La mère ne se trompe pas, l'expression de ce cri, elle tire l'enfant à elle. La main droite lui manque, le sang coule à flot de son bras mutilé. Le hasard avait fait que Shaitan était embusqué contre la maison. Il avait entendu l'appel imprudent de la mère, et la bête féroce l'avait exaucé. Mais lui aussi fut puni par les mêmes souffrances qu'il avait fait subir aux autres. Shaitan avait 3 fils qu'il aimait comme cette mère dont il avait mutilé l'enfant aimait son enfant. Parmi ses trois fils, il aimait particulièrement l'aîné, qui se nommait Grégory. Grégory fut blessé grièvement. Le père le vit tomber, mais continua de combattre sans même aller à lui. Le combat terminé, il demanda ce qui était devenu son fils. On le conduisit à la maison où il avait été transporté. Vaincu par la souffrance, le jeune homme se plaignait. Shaitan s'arrêta sur le seuil et le sourcil froncé. « Est-ce un homme ou une femme que j'ai engendré ? » demanda-t-il. « C'est un homme, mon père, » répondit Grégory. « Eh bien alors, si c'est un homme, pourquoi se plaint-il ? » Le blessé se tut et expira sans pousser un soupir. Shaitan s'était rapproché de lui et l'avait regardé mourir, le menton appuyé sur ses deux bras appuyés sur son fusil. Lorsqu'il se fut assuré qu'il était bien mort, il le prit entre ses bras, le porta sur une table et le déshabilla. Puis, avec la pointe de son kangar, il fit, en prononçant 75 noms, 75 crans contre la muraille. Après quoi, comme un boucher à l'étal, il coupa le mort en 75 morceaux. Le colonel entra et le voyant occupé à cette effroyable besogne. « Que fais-tu là ? » lui demanda-t-il en reculant malgré lui. « Je viens de compter les parents et les amis sur lesquels je puis compter, » dit-il. « J'en ai 75. Eh bien, après ? » ?»« Vous les voyez, mon colonel, je coupe mon pauvre Grégory en 75 morceaux. Chacun de mes parents et de mes amis en recevra un, et avec ce morceau, d'ici à 8 jours, me rapportera une main lesbienne et Grégory sera vengé. » Et en effet, au bout de 8 jours, il avait reçu de ses parents et de ses amis 75 mains, auxquelles il en joignait 15 récoltées par lui, en tout 90. Elles furent enfouies dans la même fosse que les 75 morceaux du corps de Grégory. Le père avait largement vengé son fils. Deux ou trois anecdotes, comme celle que je viens de citer, peignent mieux un homme et la race à laquelle cet homme appartient que tout un gros livre. Et maintenant, remettons-nous en chemin. Nous sommes sur la route de Derbend à Bakou. À partir de ce moment, nous allions perdre rarement la mer Caspienne de vue. Rien de plus majestueusement triste que cette mer d'Hyrcanie, comme l'appelaient les anciens, mer presque fabuleuse que 10 Français à peine ont visitée car on parcourt l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Amérique, l'Égypte, mais qui a l'idée de visiter la mer Caspienne, cette mer presque fabuleuse dont Hérodote fixe l'étendue et les limites et qui n'est pas beaucoup plus connue aujourd'hui que du temps d'Hérodote. Il faut être un fantaisiste comme moi pour se permettre un pareil caprice. Je n'oublierai jamais l'impression qu'elle me fit la première fois que je la vis. Elle était d'un bleu de saphir. Pas une ride ne courait à sa surface, pas une voile ne blanchissait sur son azur. Elle semblait la continuation du steppe, et comme le steppe, c'était le désert. C'était bien, dans son mutisme, son immobilité et sa solitude, cette mer mystérieuse qui reçoit tous les fleuves du Nord et de l'Occident, l'Oural, le Volga, le Torek, la Koura, qui de l'Est ne reçoit que du sable. Qui engloutit tout, sable et eau, ne rejette rien, s'écoule sans qu'on sache par quelle route souterraine elle s'échappe, qui se comble peu à peu et n'a plus que 30 mètres dans ses plus grandes profondeurs et 1,5 mètre dans ses ports qui autrefois pouvaient recevoir les plus gros vaisseaux, qui a vu pendant 10 siècles passer cet immense commerce de l'Inde qui, par 3 artères, s'est penché de l'Orient à l'Occident, du Gange à la Méditerranée, de l'Indus à la mer Noire, qui aujourd'hui s'étonne quand une barque de pêcheur l'a fait tressaillir sous le battement de ses rames et au bruit de son filet, et qui enfin finira un jour par n'être plus qu'un grand lac de sable, au lieu de ces marais salés, comme nous venions d'en rencontrer tant dans les steppes kirghizes et nogaïs. Pompée, 2000 ans avant nous, avait voulu la voir, cette fameuse mer d'Hyrcanie, qu'il ne connaissait que par Hérodote. Après avoir battu sur l'Euphrate Mithridate déjà affaibli par Lucullus, après être entré en Arménie et avoir forcé Tigrane à la paix, enfin, après sa dernière bataille livrée près du fleuve Arras, il se mit en chemin, dit Plutarque, pour pénétrer jusqu'au pays d'Hyrcanie et gagner la mer Caspienne, mais il fut forcé d'abandonner son projet et de retourner en arrière par la grande multitude de serpents venimeux et mortels qu'il y trouva à la distance de 3 journées à peu près. Il se retourna donc dans la petite Arménie. Ces serpents qui empêchèrent Pompée de continuer son chemin existent toujours, plus nombreux peut-être encore aujourd'hui qu'ils ne l'étaient au temps du vainqueur de Mithridate et de Tigrane. Leur royaume comprend toutes les steppes de Moganaz qui s'étendent entre l'Arax et la Koura, et personne ne songe à leur en disputer la possession. Nous les traversâmes en hiver. Les serpents s'étaient réfugiés sous la terre et s'y tenaient engourdis. Le comte Lvov, le dernier amant de la grande Catherine, qui joua une part si active dans l'assassinat de Paul Ier, vint en 1800 faire le siège de Salyam, séparé des steppes de Magana par la Koura. Surpris par l'hiver, il résolut de camper dans les steppes. Ses soldats, en creusant la terre pour y planter leurs tentes, amenèrent à la surface du sol des milliers de serpents engourdis par le froid. Le troisième jour après notre départ de Derbend, nous nous trouvâmes tout à coup, après une montée, en face de Bakou, gisant dans un pli du terrain. La ville nous apparaissait comme une surprise. Nous avions l'air de descendre du ciel. Un peu en avant de Bakou, nous vîmes venir à nous un élégant cavalier. C'était un prince tartare nommé le prince Oudzmiev. Prévenu je ne sais comment de notre arrivée par Bagration, il venait se mettre à notre disposition. Parler d'un prince tartare à des Parisiens, c'est leur parler d'une espèce de sauvage à moitié enseveli dans une peau de mouton, parlant une langue rude, gutturale, incompréhensible, traînant avec lui tout un attirail de sabres, de poignards, de chaskas et de pistolets, ignorant notre politique, notre littérature, notre civilisation. Non, ce n'est rien de tout cela quand ce prince s'appelle le prince Oudzmiev. Comme aspect extérieur, le prince était un fort bel homme de 35 ans, au trait régulier, à l'œil vif et intelligent, au fond duquel brillait un rayon presque invisible d'inquiétude et de sauvagerie, aux dents splendidement blanches, à la barbe noire avec un reflet à cajou, à cause de la teinture de couillat, dont les Tatars et les Persans ont l'habitude de se colorer la barbe. Portant un bonnet très fin et très élégant d'agneau noir, fait pointu à la manière géorgienne, il était vêtu d'une longue ténérkène noire, portant un simple filet d'or pour tout ornement. Sa poitrine était cuirassée de deux cartouchières avec leurs cartouches d'argent guillochées d'or. Sa taille était serrée par une ceinture d'un seul galon d'or, comme on n'en fait qu'en Orient, pays où l'on travaille le mieux leur filet. À cette ceinture pendait un élégant cangar, à la poignée d'ivoire, au fourreau et à la lame damasquinée d'or. Un pantalon noir de drap persan serré au-dessous du genou par la guêtre montagnarde, de l'extrémité de laquelle sortait une botte étroite et fine, renfermant des pieds de cavaliers que la terre n'avait point élargis, tant ils avaient peu touché la terre, et que l'on croirait des pieds de femme ou des pieds d'enfant de 15 ans, complétait ce costume, ou plutôt cet uniforme. Ajoutez à cela que le prince Oudzmiev parlait admirablement français. Il me reconnut d'après le portrait que sans doute Bagration lui avait fait de moi. Il s'avança vers nous, me nomma, se nomma à son tour, et nous déclara qu'il était notre cicérone pour tout le temps que nous comptions rester à Bakou. Il se chargea tout d'abord de nous conduire chez M. Pigoulevski, commandant du district, dans la maison duquel notre logement était préparé. Ceux de mes lecteurs qui seront curieux de détails sur Bakou les trouveront de la façon la plus détendue dans le livre que j'ai écrit sur le Caucase et que va d'ici peu de temps imprimer mon ami Michel Lévy. Aujourd'hui, il ne sera question que du prince et de la princesse Oudzmiev. Comme tous les hommes d'Orient, le prince Oudzmiev était grand amateur d'armes, non seulement de ses armes aux poignées éclatantes, aux lames noircies, qui semblent tirer en même temps qu'elles le deuil du fourreau, mais de nos armes d'Europe simples, solides, sûres de leur coût. Il l'examina les uns et les autres, mes fusils le faucheux, mes carabines de vime, et après avoir tourné et retourné de toute façon mon revolver entre ses mains, il finit par me demander s'il me serait possible, une fois de retour à Paris, de lui en faire passer un pareil à Bakou. Pour toute réponse, je le lui passai à la ceinture pour faire un pendant à son cangar. Il rougit beaucoup, mais autant de plaisir que de surprise, se défendit un instant, mais finit par accepter. En nous quittant, il nous invita à dîner pour le lendemain. J'acceptai avec empressement, le prince en nous invitant nous ayant prévenu qu'il nous introduirait dans un intérieur tatar, et que contre toutes les habitudes, sa femme et sa belle-sœur qui désiraient me connaître dîneraient avec nous. Le lendemain, en effet, on nous conduisit dans un salon meublé de tapis et de coussins. 3 fauteuils seulement, et pour cette solennelle occasion, y avaient été introduits pour les 3 Européens, c'est-à-dire pour Moinet et moi et Calino. Les 2 princesses étaient couchées à l'oriental, la princesse Oudzmiev roulant un magnifique chapelet d'ambre dans ses mains et sa sœur fumant le narguilet. Elles avaient des espèces de tarbouches toutes brodées d'or, coquettement inclinées sur l'oreille avec des bouquets de roses rouges sur le côté du front, que l'inclinaison laissait à découvert. À cette tarbouche pendaient des glands d'or filés d'une suprême élégance. Elles avaient des vestes de brocart, avec des ornements à peu près pareils aux cartouchières des hommes, et qu'on appelle des arkalouks, des chemises de gaze blanches à raies mates et claires, des pantalons de satin mauve et bleu ciel. Entre leurs pieds nus étaient chaussés de petites pantoufles turques dont le velours disparaissait sous l'or. Mais le principal ornement de la princesse Ouzmiev, celui qui me frappa avant tous les autres, qui me tira le plus les yeux, était un magnifique collier en monnaie d'or turque et tatare. Il était à 7 rangs. Le premier rang serrait le cou, tous les autres allaient en s'élargissant, le 7e tombait jusqu'à la ceinture. Aux genoux de la princesse étaient accroupis et couchés 2 enfants, un garçon de 7 ans et une petite fille de 3. Le prince Ouzmiev nous annonça que le dîner, comme tout le reste, était tatare, que par conséquent il nous faudrait nous accroupir comme ces dames sur des coussins et manger sur des plateaux posés à terre. Nous répondîmes que nous étions tous disposés à dîner de quelque manière que ce fût, pourvu que l'on dînât. 5 minutes après, on nous annonça que l'on était servi. Tout ignorant des coutumes tatares, je me tournai vers le prince, l'interrogeant de l'œil sur ce que j'avais à faire. Le prince sourit. « Ce n'est point l'habitude qu'une femme tatare, me répondit-il, et surtout la fille d'un khan, car telle que vous la voyez, ma femme est la fille du dernier khan de Karabakh Matikouli Khan, s'appuie au bras d'un autre homme que son mari. Mais pour vous, elle fera une exception. » Le prince dit quelques mots en tatare à sa femme, qui rougit prodigieusement, mais sans faire d'observation, se leva et s'appuya sur le bras que je lui offrais. Sa sœur, pour n'avoir le bras à donner à personne, s'empara de la main de 2 enfants et nous suivit. Moinet et Kalino suivirent la sœur et les enfants. Le prince suivit Moinet et Kalino. Nous entrâmes dans la salle à manger. Le parquet était couvert de nattes, et des nattes s'élevaient tout autour de la chambre, à la hauteur de 4 pieds. Les murailles étaient stuquées, peintes dans les angles, les poutres saillantes avec des nielles d'or. Le dîner était servi sur un magnifique tapis, dans des plats d'argent. Chacun avait devant soi une assiette de porcelaine de Chine, mais Moinet, Kalino et moi avions seuls des cuillères, des fourchettes et des couteaux. 2 domestiques persans nous présentèrent l'eau pour laver les mains dans des cuvettes de vermeil. Les aiguères étaient du travail le plus précieux. La première chose que l'on nous servit fut un pilau au miel avec des abatis de poulet et des grains de grenade. Les dames roulèrent le riz entre leurs doigts et l'avalèrent par petites boulettes. Le petit garçon et le prince mangèrent de la viande. Après le pilau vint une série interminable de mets différents mais dont je ne saurais spécifier la nature. Le malheur de toutes les cuisines, excepté de la cuisine française, c'est d'avoir l'air d'être des cuisines de hasard. La cuisine française seule est raisonnée, logique, chimique. La cuisine a ses lois générales comme l'harmonie. Les peuples barbares seuls ne connaissent pas et ne pratiquent pas nos lois musicales. La plus sauvage de toutes les musiques est sans contredit la musique kalmouk. Mais la plus décevante de toutes les cuisines est la cuisine turque et par analogie la cuisine tatare. Non seulement elle ne prévient pas, mais elle dissimule, elle défigure. On croit mordre dans de la chair, on mord dans du poisson. On croit mordre dans du poisson, on mord dans de la crème. Aucune transition entre le dîner, les entremets et le dessert. À mon avis, tout était dessert. Et les plats au jasmin et à la rose semblaient bien plus faits pour l'odorat que pour le goût. Nous rentrâmes au salon pour prendre le café. Nous y trouvâmes une collection de narguilés et de chibouk pour tous les goûts. Je n'ai pas de répugnance pour le tabac d'Orient, dont la fumée nous arrive parfumée de benjoin ou d'aloès à travers un tube de cerisier et un bouquet d'ambre. Je pris une chibouk et je m'en tirai comme un véritable fumeur. Les 2 princesses fumèrent le narguilé. Je l'avoue, je n'ai rien vu de plus charmant comme ces 2 femmes assises à côté l'une de l'autre, s'enveloppant comme d'une base impalpable de la vapeur parfumée. Au moindre mouvement, l'or de leurs habits étincelait. Le merveilleux collier de la princesse surtout jetait des reflets fauves qui eussent défié la palette de la croix et de 2 camps. J'oubliais, en regardant la princesse, que je regardais une femme, et une femme turque, habituée au triple rempart de ses voiles, et en effet ce n'était pas la femme que je regardais, c'était l'ensemble harmonieux de la chair, de l'or et du satin. J'eusse regardé la princesse tout un jour et toute une nuit, que quoiqu'elle fût fort belle, je n'eus songé qu'au côté plastique. Je m'aperçus enfin de mon indiscrétion. « Mon cher prince, dis-je à mon hôte, serait-ce trop demander à la bonté de la princesse que de la prier de me laisser voir son collier ?» Le prince dit en perçant un mot à sa femme, qui détacha le collier et me le présenta elle-même avec un charmant sourire. Je m'approchai de la lumière et je l'examinai. C'était tout simplement de vieilles pièces d'or persane, si antiques qu'elles avaient perdu l'empreinte à l'aide de laquelle on pouvait reconnaître le règne où elles avaient été frappées. Puis, quand j'eus accordé au merveilleux bijou une attention assez soutenue pour faire croire que c'était lui seul que je regardais, je le rendis à sa propriétaire. À 10 heures, nous nous séparâmes, je serrai la main du prince, j'embrassai les deux enfants, je m'inclinai devant les deux dames. Une demi-heure après être rentré chez le gouverneur qui nous offrait l'hospitalité, on m'annonça un message du prince Ouzmiev et un domestique entra, tenant d'une main une lettre et de l'autre une bourse de satin brodée et à glands d'or. Je pris d'abord la lettre, je l'ouvris et lus. « Cher et illustre voyageur, à peine avez-vous été sorti qu'une grande discussion s'est élevée entre ma femme et moi. J'ai prétendu que c'était elle que vous regardiez. Elle a soutenu que vous ne regardiez que son collier. En tout cas, vous regardiez l'un ou l'autre. Je vous offre la seule des deux choses que je puisse vous offrir, le collier. La princesse qui, de son côté, veut vous faire aussi son petit cadeau, l'a ôté de son cou et enfermé dans une bourse brodée par elle. Recevez donc, cher et illustre voyageur, la bourse en son nom et le collier au mien. Prince Kassar Outmiev. » À coup sûr, un mari parisien, fût-il prince, n'en aurait pas fait autant. Ainsi s'achève Le collier de la princesse Ouzmiev par Alexandre Dumas.